Capri en danser. Mola po Capri, ayo mola po Capri, mo mama o. Mola po Capri, ayo mola po Capri en danser. Manino sont en banque et l'autre côté dido. Tamene, le vide bloque de la terre. Mino d'Alame, la scène dans les pieds. Et motandir, tamene kouma salana. Manino sont en banque et l'autre côté dido. Tamene, le vide bloque de la terre. Mino d'Alame, la scène dans les pieds. Et motandir, tamene. Yeah.